écoutez l'Aléum. Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui, je discute avec Alfonso, un étudiant espagnol travaillant pendant ses vacances d'été à l'Alter Hostel, l'auberge participative qu'on adore. Ensemble, on discute de ses motivations à venir en France, de notre passion commune pour le cinéma et des différences entre le système éducatif français et espagnol. On le remercie d'avance d'avoir accepté de faire cette interview en français, ce qui est une très belle prouesse. C'est donc parti pour ce nouvel épisode, Let's Talk Venture with Alfonso. On est parti. Alors. Alfonso, c'est moi. Alfonso. C'est toi. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Comment? Qui es-tu? Je m'appelle Alfonso, je suis d'Espagne et j'ai fait mes études à Barcelone. Mm-hmm. J'ai étudié là-bas la philosophie et j'ai fini l'année dernière et maintenant j'ai tout un master de théorie du cinéma. Et maintenant je suis ici en vacances en faisant je ne sais pas quoi, vraiment. Apprendre le français et tout ça, mais ouais. je ne sais pas quoi. Et du coup tu fais un service civique à l'Alter Hostel. Je ne sais pas si ça... C'est walk away. Oui, mais pour moi, je pense que je travaille. Ça va. C'est pas un service civique. Ouais. Mais je suis en train de me dire, du coup, tu fais des études de cinéma, tu sais qu'ici, c'est la ville où il y avait les Frères Lumière. Ouais. Oui. Et je sais qu'il y a l'Université de Lumière, mais je ne savais pas qu'ils sont nés ici. Ou ils ont travaillé ici. Je ne sais pas s'ils sont nés ici, mais en tout cas, c'est ici que tu sais, il y a toute l'usine où ils ont développé le cinéma. Et oui. Je crois que Georges Méliès... Je pense que je vais y aller à l'université pour voir, parce que je vais faire le doctorat. Ouais. Je ne sais pas où, mais peut-être que je peux demander là-bas. C'est comment les choses. Ah, du coup, tu veux faire un doctorat ici au final? Peut-être, je ne sais pas où. Peut-être, je ne sais pas où. Travailler dans le cinéma. Oui. Mais pour le moment, je suis trop perdu. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ma vie. Hein. Je suis trop perdu, vraiment. Ouais. Alors, je ne sais pas. Je demanderai à l'université, mais sans savoir. C'est toi en particulier ou est-ce que tu penses que c'est toute la jeunesse de Barcelone qui est un peu perdue avec sa vie comme ça? Peut-être, parce que maintenant la vie c'est très précaire, ouais. Surtout sur l'humanité et tout ça. Ouais. Et c'est très difficile de trouver quelque chose pour faire ta vie ou pour gagner la vie bien. Pour bien gagner la vie, c'est très difficile. Et en plus, moi particulièrement, je suis trop neurotique et trop. Je sais pas. Alors, je pense que. D'un côté, c'est une chose de la jeunesse d'aujourd'hui, et pour l'autre côté, c'est une chose de moi. Alors, ça se mélange les deux choses et ça fait une explosion. Ouais. Alors, je suis comme ça. D'accord. Du coup, c'est pour ça que tu m'avais dit que tu regardes plein de films français et tout. Ouais. Je suis très francophile en sujet de cinéma. Ouais. Vraiment francophile. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même des. Alors, moi, du coup, c'est pas mon cas. C'est vu que j'ai été élevé dans la culture. Mes parents regardaient surtout des films cambodgiens. Des films de où? Des films chinois. Des chinois. Et du très bon cinéma chinois. Oui, maintenant, il y a très bon cinéma chinois. Maintenant? Non. Maintenant, il y a très bon cinéma chinois. Ah non, à l'époque. À l'époque, mais maintenant aussi. Maintenant, il y a beaucoup de. Non. Maintenant, de ce que je vois, c'est du cinéma qui a du budget. Du coup, en fait, ils font des effets spéciaux, mais ouais. Franchement, pas terribles. Et il n'y a pas les mêmes scénarios. Chinois. Oui, c'est maintenant en fait, les scénarios franchement sont assez mauvais. Les cinémas d'auteur les moins connus, c'est très bon. Oui, chinois. Oui, mais c'est pas ce qu'on voit le plus. Oui, c'est ça. C'est pas l'industrie. Non, mais je pense qu'on parle des mêmes films, par exemple Crushing Tiger, Hidden Dragon. Je sais pas. Tigre et Dragon. Je sais pas. Je connais pas. D'accord. Mais ça me dit quelque chose, mais je connais la pas. Légende des poignards volants, tu connais? Je connais pas trop. Ah, d'accord, ok. mais tu sais, toute l'industrie du cinéma d'arts martiaux. Je connais pas trop les arts martiaux. Hein. Je suis plus dans les côtés d'auteur et tout ça. Ouais, ouais. Les plus poétiques et tout ça. Oui. Alors. Tu vas adorer. Crushing Tiger. Oui. Faut que je te le passe. Ouais. D'accord, parfait. C'est bien. Il est je le connais. Hein. Il est vieux, je crois. Il date de 84. Non. On va dire 1996, mais il est incroyable. Ouais, ah parfait. Pour moi, c'est bien de connaître. Mais oui, par contre, aujourd'hui, je pense que tu vois ça de plus en plus. Bon, je pense que c'est pas trop les genres de films que tu regardes. Par exemple, tous les films de science-fiction, de super-héros, Non. Tu as de plus en plus de films avec le logo de production Tencent. Et Tencent, en fait, c'est la plus grande boîte de Chine, en fait, qui à la base détient le réseau social WeChat, qui est le plus gros truc en Chine, en fait, de réseaux sociaux. Et à partir de ça, ils ont développé, ils ont la main mise sur les jeux vidéo, sur les réseaux sociaux, et maintenant ils développent leurs industries du cinéma. Ouais. Et ça sent, en fait, dans les films où tu vois, ils incorporent des acteurs chinois juste pour faire plaisir au public chinois, en fait. Ouais. Toute l'industrie là. Ça, c'est pas que ça tue l'industrie, c'est juste qu'en fait, des fois, ils font vraiment des mauvais choix en termes de producteurs et c'est juste lié. Oh non. Ah, pas bon. C'est juste ce genre de truc. Voilà. Parce que toi, tu es de Chine. Non, non, je suis cambodgien, mais par contre, j'ai vécu un an et demi en Chine. D'accord. Je vois leur manière de. Je connais leur façon de prendre la main mise sur certaines choses. Il y a des très bonnes choses dans la culture chinoise, mais il y a des fois où vraiment ils y vont un peu avec des gros sabots. Tu connais cette expression ? Non. Ils y vont un peu comme des bourrins. Ils y vont un peu trop violemment. Trop violemment ? De manière un peu trop fourbe et de manière un peu trop. Pas. Cachée. Ouais, c'est pas subtil. Subtil. Ça manque de subtilité, leur manière de. D'accord. Trop dur, trop fort. Non, c'est juste un manque de subtilité. La subtilité en Chine. Ça manque de subtilité. Ça manque de subtilité. En Chine. Ouais. Ah, d'accord. Et tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Il y a certains moments où il faudrait peut-être faire les choses un peu plus. Ouais. En France, il y a la subtilité. Pas tout le temps, mais sur certains points. Qui mérite un peu plus de politesse, oui. Ouais. Enfin voilà. Industrie cinéma, du coup, c'est quel film français qui te marque Mon réalisateur préféré, c'est Robert Bresson. D'accord. Je sais pas si tu connais. C'est un réalisateur français de Paris des années 50, 60, 70. D'accord. Aussi, j'aime bien Éric Rohmer, et Truffaut et Alain René, tous les cinémas de la nouvelle vague, pas Godard tellement. Godard, il y a une relation un peu bizarre. Ouais. Mais surtout Bresson. En fait, je suis en train de faire le travail de master sur Robert Bresson. D'accord. Que j'aime bien. Est-ce qu'il est lié à Luc Besson par hasard? À Luc Besson? Luc Besson. À Luc Besson, non, il n'y a rien à voir. Comment tu l'appelles du coup? Robert Besson. Robert Bresson. Bresson, pardon. Bresson. Et oui. Luc Besson, oui. Oui, je connais Luc Besson, mais rien à voir. Mais du coup, en fait, ce qui t'intéresse, c'est le vieux cinéma français, c'est pas, pas les vieux, cinéma... pas. Oui, hein. Maintenant, il n'y a pas trop de bons cinéma, bon cinéma français maintenant. Mais je pense que l'industrie française, c'est beaucoup mieux que l'espagnol, tout le temps, parce qu'il y a, beaucoup d'intérêt sur l'art, sur le cinéma, parce que le cinéma est né en France, en fait. Ouais. Le cinéma est né en France, avec les Lumières et tout ça. Mm. Alors, je pense que. Et la nouvelle. Médias. Oui, aussi. Et la nouvelle barre et tout ça. Alors, le cinéma, c'est une chose française. Je pense. Ouais. Alors, je pense que en France, ils ont beaucoup plus de. D'attention sur les artistes. Ouais. Et en Espagne, par exemple, il y a beaucoup plus d'industrie, beaucoup plus de commerce avec le cinéma. Ouais. Et peut-être maintenant, le cinéma français, c'est pas les meilleurs, mais il y a plein de choses. Il y a quand même. Il y a par exemple, je sais pas si ça t'intéresse, toi, le cinéma du genre et le cinéma d'horreur français est très très bon. Le cinéma de quoi? De genre. De genre? De genre. Genre. De genre. Genre. Ah ouais, mais les super, les fanfictions et tout ça. Le cinéma de genre. Genre. Oui, oui. Mais tu veux dire les cinémas de. Tous les cinémas de terreur, de science-fiction, exactement, et tout ça, ouais. Oui. Je suis dans l'autre côté, mais je ne vois pas. Je suis un peu puriste, je pense, dans d'accord. Les côtés du cinéma. Okay. Je vois de tous les cinémas du genre, de tout. D'accord. Parce que pourtant, il y a des très bonnes choses. Il y avait des. Je ne l'ai pas vu, j'en ai juste entendu parler. Grave. Oui, écoute, quelque chose comme ça, mais. D'accord. C'est des terreurs, quelque chose comme ça. Une histoire d'une jeune fille cannibale en fait. De quoi? Une jeune fille cannibale. Cannibale, ah d'accord. Ah, je ne sais pas. Ben, ça m'intéresse le cinéma de genre, ça m'intéresse quand il y a les limites du genre, ouais. Les limites avec quelque chose qui est beaucoup dehors du genre, mmh. Et qui limite avec la poésie et l'art. Quand le cinéma de genre, c'est beaucoup c'est dans les limites. D'accord. C'est quand m'intéresse le cinéma de genre. Ok, d'accord. Mais pas tellement. Ah, mais c'est ça. Ok. Mais du coup, tu peux me donner des exemples parce que vraiment là, j'essaie de voir des films qui. C'est le film que je vois, tu vois, c'est La soupe aux choux qui est juste. La quoi ? La soupe aux choux, c'est un film, c'est un vieux film français qui est très connu de comédie. Qui est avec Louis de Funès. Mais qui est le réalisateur ? Je sais plus. Je sais plus. C'est juste qu'il y a Louis de Funès dedans et il y a un extraterrestre en fait avec un costume jaune. En plastique, où le mec il a des boules comme ça sur la tête orange et il fait s'ouvrir la gueule. Oh, pas insolé. Non, mais c'est une comédie, c'est une vieille comédie avec toute finesse, mais qui est un peu graveleuse, mais qui est quand même efficace, tu vois. Et qui, ouais. Elle avait fait un carton à l'époque, tu vois, elle avait fait mourir de rire. Tellement de personnes. Mais, tu dois me dire quelque chose après. Ouais. Hein. Mais je pense que non, notes, par contre, ce sera totalement pas ton genre parce que c'est de l'humour. Peut-être, je sais pas. C'est du vieil humour français. Ouais. Mais tu l'aimes bien ou quoi? J'avais bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais quand j'étais enfant, oui, ça m'a fait rire. C'est... Ah, non, mais évidemment, tu vois un mec en costume jaune lycra qui fait sourire un gros monsieur en costume jaune tout moulant qui fait. C'est ça, hein. C'est surréaliste ou quoi? Ah non, non, c'est une comédie avec un extraterrestre en fait. Ah ouais, c'est vrai. Sauf que l'extraterrestre, c'est un vieux, c'est n'importe quoi. Un vieux monsieur gros dans un costume en lycra. N'importe quoi. Ouais, ouais. Mais non, c'est marrant quand même. Yes. Et aussi, je pense, de ma génération, un des films qui nous a beaucoup, beaucoup marqué, qui est une comédie aussi, c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah, je sais pas quel film c'est, mais je connais Astérix et Obélix, j'ai lu beaucoup les. Ouais. Les comiques. Ouais. Les... Mais en fait, ce film est devenu tellement culte, tu vois, pour ma génération à moi, que il y a des répliques, tu vois, qui sont devenues cultes. Des fois, tu sais, on discute, et à un moment, quelqu'un sort une phrase, par exemple, tu sais, moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et je pense que pour quelqu'un comme toi, tu comprends pas la référence, mais ça vient de ce film, en fait. Ça me dit quelque chose. Hein. Ouais. Il y a des phrases qui te marquent. C'est ça, un certain ton, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a de bon. C'est même ce film-là, tu vois. Par exemple, il y a c'est de combat où tu discutes avec quelqu'un, mais en rigolant, et tu fais « Vas-y, dis-le moi de profil !» C'est quand ça vient de ce film-là, en fait. Et c'est... Ah, j'ai écouté ça, qu'il y a des grosses phrases dans le cinéma qui te marquent beaucoup. En fait, quand j'ai fait les cours de français, ils m'ont donné quelques phrases de cinéma français qui l'ont marqué. Un professeur qui a la quarantaine, peut-être, c'est pas les mêmes générations. Mais il m'a donné des phrases qui l'ont vraiment marqué, que je m'en rappelle plus. Mais c'était, comme on dit, c'est pas des choses comme. Et en fait, je pense que c'est un peu pareil pour chaque génération. Parce que, par exemple, j'ai un collègue à mon travail qui a, allez, on va dire, 32 ans. Et lui, son film de sa génération à lui, où il a vraiment des répliques, tu vois, qui sort, c'est La Cité de la Peur, si t'es en train de faire ce film-là. Cité de la Peur. Ouais. C'est une comédie aussi du même genre, où c'était un crew de stand-up comédien, où il y a plein des mecs qui faisaient... Tu connais Les Inconnus ? Les Inconnus. Ouais. C'est un groupe de comédiens. C'est un groupe de comédiens, en fait, qui faisait des vidéos... Je connais plein de choses, hein, je vois. Hein. Je connais pas plein de choses. Mais en fait, je pense en France actuellement, les deux plus gros spots de cinéma où on est en quelque sorte les meilleurs, c'est les films de genre, horreur, et les comédies. Ouais. Ce sont pas toujours des bonnes comédies, mais il y a certains auteurs de comédies. La comédie française, c'est bizarre. Hein. Des fois, hein, la comédie française. Ouais, des fois, c'est limite, tu sais, ça frôle le racisme, ça frôle l'antisémitisme. Les françaises ? Ouais. Je ne savais pas. Mais t'as certains auteurs comiques français qui sont vraiment très très bons. Il est le plus connu que je connaisse. Il n'y a pas le plus. Oh mon dieu, comment s'appelle ? Un réalisateur français des années 60. Ouais. C'est très connu par ses comédies. C'est très très très connu. Au moins dans les. Tout là, les téléphones ici. Ouais. c'est même le réalisateur du film de Monsieur Hulot. De qui? Monsieur Hulot. Les vacances de Monsieur Hulot. Ok, ok. Ah, tu, il n'y a plus de nom. Putain. Les vacances de Monsieur Hulot. Ok. Il est un. Ouh, ça a l'air vieux ça. Ah, il est très ancien. Ouais, Yaktati. D'accord. À partir du moment où t'as des images en noir et blanc et tout comme ça. D'accord, donc ça c'est ta cam à toi. C'est quoi? C'est ton truc à toi. Pas tellement Yaktati, mais c'est les comédiens que j'ai connus, je connais le plus, okay. Parce qu'il est plus à côté du cinéma d'auteur. Mais du coup, ça. En fait, la grande majorité des films que tu regardes qui sont français, ils sont en noir et blanc, c'est ça? Pas tout le temps. Pas tellement. Je n'aime pas les cinémas français anciens parce qu'ils soient anciens. Je n'aime pas l'ancienneté, je ne suis pas un fétichiste. C'est juste en fait, tu as quelques réalisateurs préférés français qui ont fait des films en noir et blanc, c'est ça? Peut-être, mais je ne pensais pas comme ça. Je ne le pensais comme ça. D'accord. Mais peut-être il y a des réalisateurs français, mon nom, qui fait des bons films d'auteur et il n'a rien à voir qu'ils soient anciens, qu'ils soient en blanc et noir. Mais les blancs et noirs, j'aime bien. Pas pour que ce soit ancien, parce que je l'aime bien parce que je ne sais pas. J'aime bien les blancs et noirs. C'est beau, c'est bon. Blanc et noir, c'est... Les blancs et noirs. C'est pas plutôt noir et blanc? Noir et blanc, oui. C'est... Mais du coup, en espagnol, tu vous dites. Blanco et negro. Blanco et negro. Oui. Noir et blanc en français? Noir et blanc, oui. Ah, d'accord. Blanc et noir en espagnol, oui. Ah, d'accord. Ah, c'est. Mais je sais pas, c'est un peu trop. Vu qu'on est en train de switcher sur l'espagnol, du coup, tu peux me réexpliquer ton parcours de comment tu as appris le français? J'ai étudié à l'école, 6 ans à l'école, mais comme matière, ce n'est pas trop. Donc, enfin, tu as commencé, c'était à quel âge, dans quelle classe? À quel âge? À premier, c'était avec 12 ans, peut-être. 12, 13 ans. Ouais. Peut-être, je m'en rappelle plus. Et après, au début du collège? Oui. Mais je ne sais pas, c'est différent en France. Nous avons l'école primaire et après nous avons l'école secondaire. Ok. Qui commence quand tu as 11 ou 12 ans. Donc ça s'appelle secondaire. L'école secondaire. Ok. Oui, l'école secondaire. Okay. Et après on fait le bac. À quel âge? 17. 10, non, donc, 16, 17. Donc attends. Il y a 6 ans de primaire, 4 ans de secondaire et 2 ans de bac. D'accord. Et après l'université. Ok. D'accord. Ah, Espagne, moi. Et non, mais le bac, il y a une école spéciale qui s'appelle pour le bac? Non, j'ai l'ai fait dans la même école que l'école secondaire. Donc, dans la même école, tu as les personnes qui font l'école secondaire et l'école du bac? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et après, tu fais l'université. Et ça, c'est le même cas pour tout le monde? C'est tout le monde reste dans le même établissement pendant c'est ça? Je pense que c'est pas nécessaire, mais je l'ai fait comme ça. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait comme ça. Ah, okay. Il n'y a pas vraiment. Tu te spécialises un peu dans le bac. Ouais. Tu fais des humanités, tu fais des sciences, tu fais des physiques, tu fais des choses que tu fais. C'est un peu plus de spécialisation, mais il y a une continuité. D'accord. Je pense qu'en France, c'est différent. C'est un peu différent. Ouais. C'est un peu différent. En fait, en France, tu commences l'école à partir de 3 ans. Donc ça s'appelle de 3 ans à 5 ans je crois. Ouais. Non, de 3 ans à 6 ans, ça s'appelle la maternelle. Ouais. Maternelle. J'ai étudié ça en français mais il y a moins bleu. Ensuite, de 6 ans à 10, 11 ans, tu as l'école primaire. Ouais. Ensuite, de 11 ans à tes 15 ans, ça s'appelle le collège. Le collège. Et à la fin du collège, tu passes le brevet. Le quoi? Brevet. Brevet. Brevet. Brevet. Je sais pas que ça. B-R-E-V-E-T. Brevet. Brevet. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit examen. Ah, un petit examen. Un petit examen pour te préparer à la vie des examens. Ah, d'accord. Voilà. La vie des examens. C'est ça. Donc, c'est drôle comme expression. Ouais, ouais. Mais c'est ton tout premier examen que tu passes de ta vie. C'est le même format que le bac, c'est-à-dire que tout le monde est dans une grande salle, tu es là, tout contrôlé avec des surveillants qui sont là. Vous ne prenez pas votre téléphone avec vous laissez vos sacs à l'entrée de la classe. Le monde d'examen, c'est horrible. Je n'ai fait plus d'examen, j'ai fait du travail. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça, on commence à partir de 15 ans, la vie d'examen. Le brevet. Les brevets. Donc ça c'est le premier examen qu'on passe. Et après tu fais les... Ensuite on part dans un autre établissement qui s'appelle le lycée. Le lycée, ouais. Le lycée, où là ça dure 3 ans, donc entre tes 15 ans et tes 18 ans. Ouais. où là tu passes le bac. Les bac, c'est un examen? De quoi? Les bac? C'est un examen, oui. C'est un examen. Ouais. Les bac, c'est un 200 en Espagne. Ouais, les bac, c'est 3 ans. En fait, tu as un an où tu découvres le lycée, donc tu n'as pas d'examen. Ensuite, ta deuxième année qui s'appelle la première. Ouais. C'est un peu bizarre au collège, c'est-à-dire que. Enfin, le système scolaire, c'est-à-dire que tu fais donc maternelle, primaire, et ensuite à partir du collège, les classes en fait elles sont crescendo jusqu'à la fin. Donc tu as 6e, 5e, 4e, 3e pour le collège. Ouais. À la fin de la 3e, tu passes le brevet, et ensuite arrivé au lycée. Tu as la seconde, la première. En première, tu passes une première les quelques épreuves de bac, et tu as la terminale. Et là, en terminale, tu passes le bac. Ouais. Voilà. Et tu commences la vie. Non. Et après, tu vas à l'université. En fait, ça dépend. Et après, là, tu te spécialises. Ouais. Tu te spécialises déjà un peu avant, pendant le lycée. C'est-à-dire que tu peux choisir d'être un littéraire, un scientifique ou un économique ou un professionnel dans plein de domaines. Mais après, tu te spécialises vraiment après le bac. Voilà. Il y a l'université après. Il y a l'université, mais il y a plein d'autres choses. C'est ça le truc. D'accord. Il y a. Ça, c'est quelque chose d'hyper angoissant en fait pour quelqu'un qui est au lycée. Ouais. C'est-à-dire que. T'as tellement de choix partout et tu sais pas quel nom correspond à quoi. Ouais, tu as les. Je te fais la liste, mais t'as pas besoin de les retenir, tu vois. T'as les classes préparatoires, les BTS, les CAP, les DUT, les licences, les licences pro, les. C'est. Mon Dieu. Ah ouais, c'est les écoles, choses, les classes préparatoires intégrées, c'est horrible. Quand tu découvres ça et que tu ne comprends rien et que tu as très peu de personnes pour t'expliquer le truc, c'est juste affreux en fait. C'est très bien. Ouais, ouais. Et c'est tellement angoissant quand t'es gosse. Tout est angoissé quand tu l'as. Ah ouais. Non mais déjà j'étais angoissé juste à l'idée de réussir le bac, mais en plus de ça il fallait rajouter la pression de savoir ce que tu vas faire après le bac. Donc, qu'est-ce que t'as fait finalement? J'ai fait un BTS moi. Un BTS, c'est un brevet de technicien supérieur. Alors tu es technicien? Non, aujourd'hui je suis ingénieur. Ingénieur, wow, voilà. C'est en fait, et ce qui est en plus compliqué, c'est que tu as des passerelles entre les différents trucs. C'est ça qui est encore plus compliqué. Mais là, qu'est-ce savoir, les techniciens et les ingénieurs, ils sont. Tu peux devenir ingénieur sans forcément faire. En fait, après différents trucs, tu as d'autres trucs que tu peux faire après, par exemple des écoles spécialisées. C'est tout ce qui est école. On appelle ça les écoles supérieures, qui sont en 3 ou 5 ans en fait. Où là, vraiment, tu as un diplôme à la fin de travailleur spécialisé dans un truc. Et du coup, tu as des écoles de commerce, tu as des écoles d'ingénieurs, tu as des écoles de manager, tu as des écoles de plein de trucs différents. Pas de tout, mais de pas mal de trucs en fait. Et ouais, c'est le système scolaire français qui est. Pas toujours gratuit. Après le bac, c'est en général, c'est pas toujours gratuit. C'est pas toujours gratuit, mais c'est beaucoup moins cher qu'en Espagne. Par exemple, les masters que j'ai vu, il était comme 300 euros, quelque chose comme ça. 300 euros, 400 euros, les masters. En Espagne? Non, en France. Ah oui. Ouais. Mais en Espagne, les masters, c'est 3000 euros. Oui, non, mais non, en fait, on avait eu le même prix équivalent. Nous, en France, je pense que le plus cher. C'est les écoles de commerce. Ah, ils ne savaient pas. Parce que c'est des commerçants, tu vois. Donc, ils savent se faire du fric. Mais les masters d'humanité, tout ça, c'était 300 euros, quelque chose comme ça. Mais même moi, tu vois, par exemple, mon école, vu que tu as des aides de l'État pour partir à l'école, je gagnais de l'argent, en fait, pour aller en cours. Vraiment? Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai choisi une école qui était à plus de 300 km de là où j'habitais. Où là mes parents habitaient. Du coup. Ils t'ont donné une bourse. Ils m'ont donné une bourse. Un bon bourse. Non, une bourse normale. C'est une bourse. J'avais 110 euros par mois. Ah, c'est bien. 110 euros par mois, c'est déjà pas mal. Mais c'est surtout en fait, si tu n'es pas boursier dans mon école, tu dois payer des frais d'inscription qui coûtent 800 euros. Ouais. Et vu que j'étais boursier, je payais que 5 euros. Bon. Voilà, donc, ouais. Ah, c'est bien, hein? C'est bien. Au final, c'est très bien. C'est magnifique. Et maintenant, tu es tout plus, tu travailles? Là, je travaille, ouais. Ah, c'est magnifique. Ouais. Je suis un étudiant, mais je ne sais pas. Je suis dans ce type de ligne. Mm. Je ne sais pas quand il va finir. Et du coup, en fait, là, tu es en vacances ou tu es diplômé? Maintenant? Ouais. Je suis en vacances. J'ai fini mon master l'année prochaine. Le master de cinéma. Okay. Je l'ai fini l'année prochaine. Ok. Mais c'est ça. Ouais. Et là, tu as combien de temps à passer en France? Je sais pas. Je sais pas. Pardon. J'ai pensé de rester moi, mais je sais plus. D'accord. Parce que je sais pas si je suis commode, mais tout ça. Hein. Ok. C'est ça. Alors peut-être que je ne sais pas quand j'ai parti. Parce que pour moi, je pense, si tu veux, c'est compliqué l'industrie du cinéma en France, et même l'industrie du cinéma en temps normal. Mais pour moi, la meilleure manière de réussir, entre guillemets, dans ce milieu-là, c'est quand même que tu te fasses un réseau de personnes qui sont dans ce domaine-là du cinéma. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde du cinéma, la meilleure manière de réussir dedans, c'est via Internet et via les personnes, par exemple, qui font du cinéma, mais sur YouTube en quelque sorte. Mais je ne suis pas dans le domaine de faire du cinéma, je suis un théoricien. C'est différent. D'accord. C'est comme la philosophie du cinéma. C'est ça que je fais. C'est ça. Ah. J'étudie la philosophie, maintenant j'étudie le cinéma, mais pour les études théoriques. Ok. Mais pour penser. Pour les penser, oui, c'est ça pour les raisons de que j'aime donc plus pour, le donc cinéma pour d'auteur. Étudier plutôt que pour ouais. Pour créer, pour faire de la recherche, oui. Ok. Pour faire de la recherche, c'est ou pour faire de l'éducation et tout ça, c'est un théorique, c'est des oui, c'est une chose intellectuelle. Ouais. Ça vaut pas beaucoup de portes, ça. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je suis angoissé, tellement angoissé. D'accord, ok. Il y a c'est pour ça que j'ai fait le doctorat, parce que je suis payé quand j'ai fait le doctorat. Si je trouve une bourse, okay. Je suis payé comme 1000 euros par mois. Ouais. Si je trouve une bourse, c'est un vrai travail pour être un professeur à l'université, pour faire la recherche. D'accord. Je ne sais pas si nécessairement du cinéma, mais de l'art, de la philosophie de l'art et tout ça. Ouais. Ah, ok. Ah, j'ai tout dit la philosophie. La philosophie, c'est la chose qui t'ouvre les moins portes du monde. Alors, je ne sais pas, j'ai fait, comment dire, one bet, comment dire en français. One bet? Yeah. Ah, en Paris. À Paris, j'ai fait en Paris, oui. J'ai fait en Paris, je ne sais pas. Alors, peut-être que j'ai fini en travaillant dans les McDo ou quelque chose comme ça. Mm. Mais j'ai voulu rentrer en professeur d'université ou de collège ou de lycée, ou je ne sais pas. Mais ça t'intéresse pas de créer je sais pas, je ne suis pas éduqué en ça. Non, c'est juste qu'en fait, tu te sens pas légitime à faire des films ou à écrire des séries, c'est ça? Je ne suis pas légitime et en plus, je pense que si je faisais des films, ce sera plus indépendant. Ouais. Plus, pas dans l'industrie, parce que je déteste l'industrie du cinéma. Oui. Je la déteste. D'accord. Alors, si je fais du cinéma, ça sera tellement indépendant que je ne pourrais pas gagner d'argent avec ça. D'accord. Alors, ça sera avec mes amis, faire d'accord. un film pour moi et pour mes amis, pas pour gagner l'argent. Je pense, tu vois, la question de légitimité dans le monde du cinéma, tout le monde se l'est posé et je pense qu'en fait, personne et tout le monde est légitime à la fois. Ah oui, dans sûr. Le sens où, en fait, tout le monde commence à un même point et c'est juste en fait. Qui définit ta légitimité, c'est le travail que tu mets en fait dans essayer d'écrire, oui, essayer de réaliser des trucs. Et en fait, je pense que effectivement, tu te sens pas légitime, mais la seule chose qui définit que tu es légitime ou pas, c'est qu'en fait, t'essayes, tu rates, tu réessayes, tu rates, tu réessayes, tu rates. Mais ça prend du temps effectivement et ça demande beaucoup de travail. Oui, ça demande beaucoup de travail parce que j'ai essayé, mais je me trouve pas tellement créateur. Ouais. Tellement, je ne me trouve pas comme un créateur, je ne me trouve pas plus un théoricien qu'un créateur. Ouais. Parce que pour moi, c'est un. Ah, je sais pas. Oui, mais ça quand ça je commence à écrire, c'est. Oui, mais ça se travaille, tu vois. Et oui, évidemment, oui, tu vas rater au début, tu vas. raté, mais plus tu fais, plus tu réussis les choses petit à petit. Et c'est comme ça qu'en fait tous les réalisateurs ils deviennent des réalisateurs au final. C'est en il fait un petit film, un petit film de 6 minutes. Qui est déjà pas mal. C'est pas mal, mais un petit film comme des essais, ouais, comme ouais. C'est seulement moi, je sais pas, mais je ne peux pas gagner de l'argent avec ça. Oui, mais personne ne peut gagner de l'argent en faisant ça, mais tout le monde commence comme ça. Et en fait, c'est le tout, c'est de recommencer, de continuer, de... Peut-être, je ne sais pas. Pour le moment, je reste dans chemin de l'académie, de l'université. Ouais. Et si je trouve que ça ne marche pas, peut-être que je chercherai de nouveaux chemins. D'accord. Mais pour le moment, l'angoisse, c'est ça, l'académie. Ouais. L'académie, ça angoisse beaucoup de monde. Oui, enfin, c'est tellement angoissant. Le monde académique angoisse beaucoup c'est de terrible. Monde. C'est terrible. Alors, c'est ça, je suis un peu n'importe où, je suis perdu. C'est d'accord. Comme ça. Nous, c'est la même chose que je te dis. Hein. Quand nous avons commencé, je suis un peu perdu. C'est pour ça que je suis ici, peut-être. D'accord, ok. Mais là, tu as dit que tu as beaucoup de temps en fait quand tu es ici. Maintenant, je suis, il y a beaucoup de temps. Ouais. Parce que je suis en vacances, je n'ai rien à faire. Alors, j'ai trop de temps à penser dans mon angoisse. Bah, du coup, il faut que tu fasses des choses. Donc, autant que tu fasses du. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, fais du cinéma. Maintenant? Bah, oui. Ah, j'ai mis mon petit caméra là-bas. Ah, bah, oui, en plus. Je peux faire quelque chose. Hein. Je peux faire. Je ne sais pas après. Ouais. Quoi. Ouais. Peut-être que je peux te. Combien de temps? Grabar. Comment est-on ça? D'accord. Comment est-on quand tu fais ça? Ah, des traveling? Quoi? Des non, quand tu. You are recording someone. Tu records someone. Filmer quelqu'un. Tu peux te filmer peut-être. Tu peux filmer tout le monde ici. Tu peux faire des entretiens ou quelque chose comme ça avec ma petite caméra. Ouais. J'ai fait un tour avec ma petite caméra les premiers jours que j'ai été ici. Mais c'est bon. D'accord. Peut-être, ouais. Je devrais faire ça. Mais je suis comme. Quand je suis angoissé, je me reste comme ça et. Je me crispe, je suis comme. Je sais pas quoi faire et je ne fais rien. D'accord. C'est comme ça quand je suis angoissé. Maintenant, je suis un peu angoissé alors. Je sais pas. Ok. C'est ça. Ok. Quelque chose de plus? Oui, du coup, c'est quoi tes plans pour le reste de ton séjour en France et à Lyon? Je resterai un maximum un mois. Ouais. Et je n'ai aucun plan. D'accord. Aucune. Et c'est pour ça que j'ai cherché des personnes et tout ça. Et tes cours, ils reprennent en septembre, c'est ça? En octobre. Octobre? Waouh, octobre! C'est ça. Il y a plein de temps. Tu fais du cinéma en attendant? Oui, il est vrai. Il est vrai. Ah, je devrais, je ne sais pas. Oui, d'accord. Je ne sais pas. Je devrais étudier, je devrais faire plein de choses que je ne fais pas. Je suis ici pour apprendre le français, c'est une autre chose que je dois faire. Ouais. C'est pour ça que c'est bien que tu parles moi en français parce que tout le monde parle ici en anglais. Alors c'est bien. C'est clairement, je pense que tu n'as pas choisi le meilleur endroit pour pratiquer le français non. En fait. En fait, non. Mais en fait, je pense que le bon moyen de parler français, c'est de sortir dehors et d'essayer de. De parler avec n'importe quoi, n'importe qui. Non, ça ne marchera pas. Mais. je pense, tu vois, il faut que tu te renseignes par rapport aux assos qui se font à Lyon en fait. Bon, là, c'est un peu compliqué parce que c'est les vacances d'été, tu vois. Mais je pense qu'il y a encore quelques assos qui sont là dans le coin avec des assos. Ouais. Mais si tu sais quelques assos, tu me donnes la vraie, c'est tout ça, j'irai tout de suite. Même, je pense que tu peux essayer d'en parler avec Sam ou Alain, ouais. Ici à l'auberge. Même Lucie, je crois que c'est une de ses missions de trouver des assos en fait. Ah ouais, vraiment ouais. Un peu elle est encore en service civique, Lucie. Lucie, elle est à bout, ouais, mais il y a pas ce week-end. Ouais. Pas là. Peut-être demain. D'accord. Je le demanderai. Qu'est-ce que je peux faire ici pour parler français? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis fan de parler français, mon dieu. C'est pour ça que je reste ici. Hein. Ouais. Sans ça, je pars. Hein. Je ne trouve pas ça. Partir. Mais je pense que ouais, les meilleures choses que tu peux tenter de faire, c'est soit faire du cinéma, soit trouver des assos. Des assos, d'accord. Ouais. Je peux demander à Marco ou toi. Tu connais Ocon? C'est qui Marco? Marco, c'est elle. Marco. Ah, Margot. Marco. C'est difficile pour moi de prononcer les R et les G. Ouais. Une fois, Marco, c'est difficile. Hein. En espagnol, c'est tellement difficile. Et tu peux le demander hein, s'il y a des sessions pour parler ouais, français. Ouais. Tu connais Okun? Si, si, je connais, ben, y a, comme je l'ai dit, Echo Charlie. L'Echo Charlie, hein. Ouais. C'est là le samedi, de quoi? C'est là? Non, mais c'est, tu sais, c'est cet assaut où ils vont dans les marchés et ils récupèrent les invendus. D'accord. Ouais. Les invendus de fruits, de légumes et tout pour en faire du jus ou en faire récupérer il, pour. Il y a des personnes qui ont été là-bas. C'était hier. C'était hier, ouais. C'était hier, ouais. Charlie, l'Echo ouais. Charlie. Ah, d'accord. Ah, peut-être. C'est juste, il faut s'inscrire sur leur site internet et après. Echo Charlie. Partir, faire des récoltes. Des récoltes, en quelque sorte, avec eux. Ouais. Mmh. Ah, peut-être. Ouais. C'est vraiment. Et je suis sûr, il y a plein de trucs comme ça qui sont à dire. Sûr et certain. Et ça marchera pas de promener sur la roue et parler avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'il peut faire pour parler français? Non, ça marche pas. Ça, à Lyon, si, ça peut marcher. Sous les quais, peut-être. Oui, non, ouais. Ça, il y a plein de jeunes. Ouais. Sous les quais. Ouais. Mais à Paris, ça ne marcherait pas. Il y a Paris, c'est le centre. Paris, c'est difficile, non? Ouais. Paris, c'est difficile pour connaître les gens. Ouais, ouais. À Toulouse, c'est bien facile, hein. J'étais à Toulouse. En fait, toutes les villes de France en dehors de Paris, ouais. Ça peut se faire. Mais Paris, c'est trop compliqué par rapport à ça. C'est, tout le monde me dit ça, tout le monde. Mais j'étais à Toulouse et Toulouse, c'était tellement facile de connaître les gens. Ouais. Tu étais à Toulouse? Un peu, enfin, j'y suis passé, mais j'ai pas encore passé autant de temps comme j'en passe à Lyon, par exemple. J'étais à Bordeaux et Bordeaux, c'est plus plutôt parisienne. Ça commence, ça devient parisien. Ouais. Ouais. Lyon, c'est comme c'est Lyon. C'est parisien, Lyon. Lyon, ça devient un peu parisien, mais ça reste quand même beaucoup plus ouvert que Paris. Ouais. Paris, c'est vraiment l'extrême de l'extrême, la du snobisme français. Bien sûr. Ouais. Parce que Paris, c'est la capitale du monde culturel. Ils se sentent comme nous sommes les meilleurs personnes, nous sommes les meilleurs. Ouais. Il y a des quelques distances, non? De quoi? Distance. Ah oui. Oui. De la méfiance surtout. Méfiance, ouais. Peut-être. Ouais. Mais à Toulouse, hein, tout le monde te sourit quand tu les parles. Ouais. J'étais par exemple, j'étais toute seule dans les quais. Il y a quelqu'un qui m'a venu. Hein. Tu peux venir avec moi. Je pense que ça va peut-être être un peu stéréotype et ça peut être faux ce que je vais dire, mais je pense que ce qui se passe dans la tête dans ce genre de situation pour un Français, c'est si tu es à Toulouse, on va se dire « Oh, chouette, un touriste qui fait l'effort de parler français, je vais l'aider. » Alors qu'à Paris, c'est « Oh putain, encore un touriste. » Oui, peut-être voilà. C'est ça. Peut-être que c'est ça, oui. Ouais. Parce que Paris, c'est les places les plus touristiques d'Europe. C'est ça, ouais. Alors c'est un touriste. Ouais. Ah, c'est Paris, la Barcelone, peut-être. De quoi? Parce que Barcelone, j'habite à Barcelone. Ouais. C'est plein de touristes. Ouais. Et moi, quelquefois, je me sens comme ça. Hein. Quand il vient un touriste. Je me sens comme ça. Hein. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être comme ça, mais ça arrive. Ouais. Parce qu'il y a tellement de touristes. Ouais. Et j'habite au centre-ville, ouais. À Barcelone. Ouais. Il y a tellement de touristes qu'on se ferme. Ouais. Quand il y a tellement de touristes, on se ferme. Hein. Même si on ne veut pas de le faire. Tu es né à Barcelone? Quoi? Tu es né à Barcelone ou... Non, je suis né à Séville, au sud de l'Espagne. Okay. À Séville, c'est beaucoup plus facile de connaître les gens. Hein. Ouais. Tout le monde est plus ouvert. Quand tu as le sud que tu vas, les plus ouvert que les gens. Si tu vas au nord, c'est beaucoup plus difficile. Mais dans le sud, c'est beaucoup plus facile de connaître les gens, même s'ils sont, très ouverts au commencement. Mais après, c'est plus difficile de faire des relations plus proches. Okay. À Séville, pour nous. Ouais. C'est plus facile de faire la fête, mais c'est plus difficile de faire des amis. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Et à Barcelone, c'est moitié-moitié. Ouais. Parce que les Catalans et un peu français, les Catalans. Ah oui, du coup, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des facilités à apprendre le français, vu que le catalan est très proche du français. Non, parce que j'ai appris le français avant d'aller parce que j'étais en Catalogne, il y a 3 ans seulement. Mm. J'ai appris le français avant de ça. Mais du coup, tu parles le catalan? Un peu. Ah, mais d'accord. Je n'aime pas le catalan. Il y a quelques sortes de choses dans le catalan que je n'aime pas, même la langue, même les choses politiques. Ouais. Qui a, derrière du catalan, il y a c'est une langue politique, c'est une langue pour l'indépendance. C'est les choses que je sens dans le catalan. Et même, je suis obligé, pour travailler dans le secteur public, d'apprendre le niveau C1 de catalan. Et je pense, pourquoi je suis en Espagne, pourquoi je dois faire ça? Je ne peux pas travailler en Catalogne dans beaucoup de choses. Je ne peux pas travailler dans quelque chose, mais pas dans les choses les plus publiques. Je ne peux pas, parce que je n'ai pas les C1. le niveau C1 de katana. Okay. Alors, presque seulement les personnes qui sont nées à Barcelone ou à Catalogne peuvent travailler dans ces choses. Ouais. Je suis un peu, comment dit-on, mat, comment dit-on, fâché. C'est en colère. En colère, oui, c'est ça. Et peut-être que je partirai de Catalogne pour ça, de Barcelone, parce que la chose politique c'est très fort là-bas, ouais. Trop fort. Ouais. L'indépendance, tout ça, tu as écouté quelque chose? Oui, oui, j'ai entendu parler des choses de l'indépendance ouais. À Catalogne, c'est fatigant. En fait, j'ai suivi ça de manière un peu éloignée parce que j'étais en Chine à ce moment-là. Mais une de mes colocs, quand j'étais à Shanghai, venait de Barcelone. Ah ouais? Et du coup. Elle a son point de vue à elle, et c'est comme ça que je sais que. Il est indépendantiste. Non, que je sais que le catalan, au niveau de la langue, est proche de la langue française en fait. Oui, c'est proche. Ouais. C'est la moitié, c'est comme les points intermédiaires entre le français et l'espagnol. Ouais. C'est vraiment facile, si tu es espagnol, de l'apprendre. Ouais. C'est vraiment facile de les comprendre, mais c'est, de l'apprendre, de l'écrire, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Alors, c'est tellement difficile de l'écrire, le catalan, mais de l'apprendre, c'est comme. Tu as écouté le catalan? Je l'ai entendu parler en catalan. Et tu as compris? Non. Mais c'est beaucoup plus facile si tu es espagnol. C'est beaucoup plus proche de l'espagnol que de français. L'écriture, c'est plus proche de français, mais. Ah, si! Alors, en fait, je ne suis pas sûr. Je pense que je comprenais les conversations quand ma coloc française parlait avec ma coloc espagnole en espagnol, en fait. Ah ouais? Donc, je captais quelques trucs par-ci par-là. Et en fait, j'ai ma vision de. Enfin, à un moment, je me suis dit, ah, bah en fait, j'ai encore des bons restes d'espagnol, du coup, je comprends un peu l'espagnol. Pas l'espagnol, hein. J'ai étudié l'espagnol, mais il y a 10 ans, tu vois. Donc, et entre temps, j'ai appris le chinois, du coup, maintenant, quand je veux parler en espagnol, je parle en chinois à la place, sans faire exprès. Mais par exemple, je crois, il y a un mois, il y avait une fille de l'Argentine qui était à l'auberge. Et elle discutait avec une de ses amies en espagnol, mais de l'Argentine. Je n'ai rien compris. Ah, l'accent argentin, c'est rien compris. Non, mais vraiment, j'étais en face d'elle, j'écoutais la conversation, et à certains moments, je leur demandais en anglais, est-ce que vous êtes bien en train de parler de ce sujet-là? Non, pas du tout, on parle d'autre chose. C'est vraiment. Je me sentais tellement bête à ce moment-là. J'étais, ah, ok, en fait, mon niveau d'espagnol est tombé hyper bas. Ça, c'est ça. Je me sens un peu bête aussi quand je ne comprends pas la langue. Il y a quelque sorte de distance quand il y a quelque. En français? Même en français, même d'accord. Si je parle un peu le français, mais ouais. je me rappelle à Paris, hein, quand j'étais à Paris aussi, mais quand j'étais avec deux personnes que j'ai connues là-bas, il a commencé à parler et il parlait tellement vite. Ouais. Je me sens trop full. Hein, qu'est-ce que c'est le mot? Bête. Ouais. Je me sens bête. Même si je ne suis pas bête, mais la langue c'est très important pour te ressentir proche des gens. Et même, tu vois, par exemple, là j'ai utilisé pas mal d'expressions françaises et j'ai vu qu'il y a des fois où tu ne comprenais pas les expressions françaises que j'utilisais, tu vois. Si je suis dans un groupe, tout le monde parle « wow, that's all ». Mais là, c'est exactement ce qui m'est arrivé, avec le groupe de footballeuses américaines qui était là et elles parlaient de plein de choses. Oui, hier soir avec les... J'étais là, j'essayais de comprendre leur conversation entre les accents américains, anglais. Anglais et tout, je regardais. Il y a quelque chose dans les anglophones. Mmh. Qu'ils pensent qu'ils contrôlent tout le monde. Je déteste les anglophones. Non, pas les anglophones. Je déteste l'anglophonie. Bah en fait, moi, ça m'a pas gêné. C'est juste qu'en fait, je comprends ce ressenti parce que des fois, c'est quelque chose que je peux faire ressentir à d'autres personnes. Donc ça me dérange pas. Et surtout, ils étaient en train de se retrouver entre Américains dans un pays étranger. Donc je comprends totalement qu'ils aient envie de rire. Et faire des blagues sur des sujets que eux comprennent entre eux. Ouais. Mais c'est juste qu'en fait, je comprenais 50% de leurs blagues en fait. Là, je comprends absolument rien. Mais tu parles bien anglais ou pas? Oui, mais et même pour autant en fait, en fait le mélange entre l'accent anglais, l'accent américain, l'accent mexicain aussi qui était là, et surtout qu'ils faisaient des références à des villes ou des cultures à l'intérieur des États-Unis, différence de culture dans les États-Unis que si tu ne vis pas aux États-Unis, tu peux absolument pas comprendre en fait. C'est ça le truc. C'est juste, à un moment, je suis juste perdu par rapport à ça. Voilà. Et c'est difficile hein, parce qu'il y a la fille là, anglaise, je pense qu'elle est. Là, avec les cheveux rouges. Oui, oui. Il parle là, avec l'accent anglais. Hein. Un gros accent anglais. C'est difficile. Ah, can you start again? Can you speak? Il y a quelque chose dans les. Je pense qu'il y a quelque chose parce que j'ai vu une enquête l'autre jour avec des pourcentages et tout ça. Et les pourcentages des personnes qui parlent une deuxième langue, l'Angleterre et les États, surtout l'Angleterre, il y a les 30% des gens connaître une deuxième langue, les 30%, mais les deuxièmes, c'était les 60%. Alors l'Angleterre, parce qu'il arrive que l'anglais, c'est la langue mondiale. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes anglaises et américaines qui pensent qu'ils ne doivent pas apprendre notre langue. Exactement. Ils n'ont pas les besoins d'apprendre notre langue. Alors quand ils voyagent, ils parlent en anglais tout le temps. Ouais. Ils n'ont pas besoin d'apprendre le français, ils n'ont pas besoin d'apprendre l'espagnol. Oui. Ah, on parle anglais. Oui. C'est comme ça que ça m'en colère un peu. D'accord. Oui, ça m'en colère un peu. Okay. Parce que si toi en France, essaye de parler en français un peu. Hein, essaye. C'est comme ça. Peut-être que je suis un peu... Mais c'est pas fasciste. Non, bah, c'est pas ça. Tu vois juste ça comme un avantage dans le sens où, au final, c'est toi qui es meilleur parce que tu fais l'effort d'apprendre. Tu parles deux langues, voire presque bientôt trois, avec le catalan peut-être. Ouais, le catalan, il comprend, il peut parler, mais. Bah voilà, ça fait quand même. À l'anglais aussi. Hein. Oui, mais du coup, ça. Ah oui, bah, trois langues du coup. Quatre. Donc, quatre. Voilà. Espagnol, catalan, ouais, catalan ouais. Français, et espagnol. Anglais. Du coup, c'est vois ça comme un avantage. Oui, mais je n'ai pas les diplômes de langue. Mais c'est bien, pour moi c'est bien. Mais c'est pour ça parce que pour moi, c'est, j'aime pas du tout voyager. Quand je voyage, c'est pour connaître les gens tout le temps. Ouais. C'est pour ça que je voyage qu'en France, parce que je veux parler la langue. D'accord. Je voyage à l'allemand, par exemple, parce que je ne parle pas allemand. Et vraiment, je ne peux pas parler en anglais parce que si je parle en anglais, je parlerai avec les étrangers, avec les touristes. Ouais. Et ils ont un très bon niveau d'anglais. Ah oui, l'allemand, particulièrement l'allemand, oui. Ouais. Mais, particulièrement. Mais il y a quelque chose que je veux me ressentir comme si je suis part de la ville quand je voyage. Ouais. Je déteste le tourisme, vraiment. Ouais. Alors quand je voyage ici, par exemple, je veux parler seulement en français. Parce que je veux me ressentir d'ici, dans quelque sorte de manière, parce que je ne suis pas français, je ne parle pas le français, comme un français, mais je veux être à l'intérieur de la ville et pas comme si j'étais dans un musée en voyant les choses dehors, tu comprends? Ouais. Je veux, c'est pour ça que je voyage qu'en France. Ok. Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Alfonso. On peut finir, hein? Je dois travailler, tu sais qu'il aurait-il? Non, je ne sais pas. Mais merci beaucoup, 47 minutes. Un grand merci à Alfonso pour avoir accepté de passer en français devant mon micro. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, iTunes ou les applis de podcast dédiées. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes et un pouce bleu sur YouTube et de partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Nous autant battus dans la voix, elle va du chant de tes papas là, de ceux qui vocalisent. Au tempo des cerises, les mémoires des valises, les hauts tu pousses dans leurs yeux. Et tu navigues à l'inconnu, et tu te nourris de tous ceux qui parlent par nos tribus. Ils disent bienvenue, nouveau venu, viens danser dans la foule de tes élus, papa, maman et les histoires que tu ne connais pas. Admets-moi. Léo, tu le verras comme moi, la vie ça ne va pas de soi, et on le tournera des fois, et te fera douter des lois, de tous les frères et sœurs chers à ton cœur, des moments de bonheur et de rancœur, et puis des illusions perdues. tu ne connais pas non plus. T'en fais pas Léo, petit café au lait. Tu créoliseras tes mots sur les pas de nos humanités, de celles qui font survivre à tous nos mots de vivre, si ce n'est que d'en rire. Allez, vas-y Léo, va de ta peau salée, et où tu vas nous éclairer sous le soleil de tes Pyrénées, à ton père qui va de l'âme et ta mère qui t'aime. Comme tu es arrivée